quelque chose qui t'affole, qui te rend folle, si folle. I am a darling angel of your night, just a darling in heaven on high. Oh my darling, I dream of you. Je me souviens que tu les chantais quand tu dansais comme on s'aimait. Ils m'ont fait rêver de rock'n'roll. Toi dans mes bras, toi la baby doll. Viens près de moi, fais-toi frivole. Just a darling in heaven long night. Oh my darling, I dream of you. Oh my darling, I am crazy love for you. C'était Queen, Led Zepp ou Toto. Toi Bob Marley, Jimmy Clift et Renaud. On n'était pas débranchés du disco. D'avoir 100 ans quand je raconte à nos enfants que la télé était noire.